Finalement, là, on considère la vieillesse comme une maladie. Pourtant, c'est pas une maladie. Je veux dire, est-ce qu'un fruit qui est rendu trop mûr, il est malade? Ben non, c'est un processus normal. Tu sais, je veux dire, il faut que le fruit pourrisse pour que les graines sortent puis qu'il y ait d'autres D'autres fruits qui plantes. Pis... apparaissent, ouais. Ben oui, tu sais, c'est parce qu'on dirait qu'on n'accepte pas les lois de. C'est là qu'on voit qu'on vient d'ailleurs. On vient pas de l'espace-temps nécessairement. Parce que c'est comme on n'est pas content. On n'est pas content de la matière, on l'aime pas.